Y'a d'abord une Natacha, mais avant y'avait Nathalie, puis tout de suite après y'a eu Laura, et ensuite y'a eu Aurélie, évidemment y'a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr y'a eu Eva et Valérie, mais mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui c'est promis. Oui c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui bien sûr j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Pour toujours. Non, c'est pas ce que tu crois. Je sais, ça paraît bizarre. Non, c'est pas ma faute à moi, mais sans doute la faute au hasard. Pourquoi tu t'en vas? C'était la dernière fois. C'était juste un coup d'un soir. Ça comptait pas. De toute façon, je sais qu'au fond de toi, tu les aimes bien les connards. Mon amour, mon amour, oui, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, pour toujours. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi? Vous le faites combien de fois par mois? Et puis mes slips sont dans quelle armoire? Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste.